voix presque inaudible. Et elle, elle vous aime aussi? Oui. Soudain je me surprends à rire. Je ris très fort, je ris trop fort. Alice me regarde avec inquiétude. Cet éclat me ramène sur terre. Je retrouve ma raison. Maintenant je sais qu'il faut se battre. Je sais que j'aurai à lutter contre moi-même, contre ma douleur, contre elle, contre le désespoir, contre mon orgueil blessé, contre leurs caresses, contre la vie, enfin, pour continuer à vivre. N'ayez pas peur, Alice. Ne craignez rien. Je ne fais jamais de scandale. J'appelle Isabelle qui, occupée à changer les disques, n'a rien vu, rien entendu. Alice m'a dit que vous vous aimiez. Ironique, faussement détaché, j'ajoute, je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'enfants. Isabelle semble tomber des nues. Son visage se crispe. Elle se tourne vers Alice. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je lui coupe la parole. Inutile de t'expliquer, inutile de mentir, Alice me l'a dit. Ne crains rien, je ne ferai pas de scandale, ma chérie. Isabelle me tourne brusquement le dos, saisit Alice par le bras, et l'entraîne vers la porte. Alice se laisse faire, elle la suit, tête basse, le regard fixé sur le sol. Elles disparaissent dans la nuit. Je reste adossée au bar, je suis écrasée, je suis perdue. Je suis bafouée. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Mais il y a 8 jours, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Mais quoi? Mais pourquoi? Derrière moi, l'ambiance s'est épaissie. Je sens les regards de Vanina et Joss, intrigués par ce remue-ménage insolite malgré notre discrétion. Isabelle revient, seule. Alice est dingue. Je l'ai envoyée se coucher. On va fermer. Les clientes sont parties. Quand? Je ne sais pas. Pas vu, pas dit au revoir, pas fait mon métier. Joss fait les comptes à ma place. Isabelle range les disques. Je reste dans mon coin, chien malade, grelottant. Les larmes coulent sur mes joues comme de l'eau, comme une pluie tiède que je ne peux pas arrêter. Nous fermons le jockey. Joss et Vanina ne disent rien. Elles partent ensemble. Nous montons dans la voiture. Isabelle ne parle pas. Je démarre, sans même me rendre compte que je suis le chemin habituel qui nous conduit devant la conga. La moto d'Alice est garée près de la porte. Tant de petits matins, en la voyant là, mon cœur bondissait de joie à l'idée de passer encore un moment avec elle, parmi la foule des prostituées, des travestis et autres oiseaux de nuit dont elle est l'antre amical et trouble. Je m'arrête. Tu ne veux pas la rejoindre? Isabelle fait non de la tête. Tu es sûr? Ne dis pas de bêtises. On rentre à la maison, et vite. J'obéis. Nous finissons le trajet, toujours silencieuse. Nous montons. Joss et Vanina, qui doivent dormir dans le living, nous attendent, encore debout, l'air inquiet. Je fais à Vanina un clin d'œil rassurant avant de fermer la porte de notre chambre. Isabelle s'abat en larmes dans mes bras. Elle parle, parle en sanglotant, comme les enfants, tout en se serrant contre moi. Je comprends qu'elle me dit, je t'en supplie, ne me laisse pas. Tu es devenue si lointaine ces derniers temps. Tu ne m'aimes plus. Tu as tellement changé. Tu es si méchante avec moi, si dure. Ne m'abandonne pas. Et moi, accroché à elle comme une épave, moi qui me noie, accroché à elle comme elle s'accroche à moi, je sanglote aussi. Je ne peux lui répondre, je ne peux lui dire que mes larmes ne coulent pas seulement pour elle, que mes larmes ne sont pas dues à la crainte de la voir me quitter, que je pleure parce qu'Alice m'a trahi, parce qu'elle a bafoué mon amour, parce qu'elle a trompé mon attente et mon désir, parce qu'elle a choisi de t'aimer toi, Isabelle mienne. Parce que j'ai peur qu'elle t'ait volé l'amour que tu me portes, ou que tu me portais, parce que j'ai soudain tout perdu, toi, elle est ma jeunesse. Pourquoi Alice m'a-t-elle fait cela? Pourquoi ce jeu? Si elle aimait Isabelle, pourquoi toute cette comédie? Pourquoi, et surtout, oh, pourquoi ces 3 jours, ces 2 nuits d'amour fou? Pourquoi m'a-t-elle dit qu'elle m'aimait il y a seulement 1 semaine après avoir refusé de me le dire pendant 2 mois? Je ne comprenais pas, je ne comprenais plus. Je pleurais, serré contre Isabelle. Nos larmes se mêlaient, nos sanglots se faisaient écho. Isabelle continuait à balbutier des chagrins sans suite, craignant pour mon amour. Je la consolais, Sans mentir, je disais, mon amour, c'est fini. C'est vrai, j'ai été dur. C'est vrai, je n'ai pas toujours été gentil. Mais la fatigue, mais le travail, mais mon opération bientôt. Mais je t'aime. Mais oui, je suis là, je serai toujours là, je t'aime. Nos visages ruisselants, nos lèvres qui lèchent nos larmes, qui s'entre-dévorent, qui se mordent pour mieux se posséder. Nos sanglots deviennent plaintes et nos douleurs caressent. Nous faisons l'amour violemment, bruyamment, sans nous soucier de Vanina et Joss qui dorment à côté. Nous retrouvons l'amour ensemble, nous crions pour l'affirmer, pour le recréer, le reconstruire, nous prouver qu'il existe encore et toujours. Je fais l'amour avec désespoir. Il y a 8 jours. C'est Alice qui gémissait sur ce lit en criant qu'elle m'aimait. Il y a 8 jours, les photos d'Isabelle lui blessaient les yeux. Je sais pourquoi maintenant. J'avais cru naïvement que c'était le remords. C'était Isabelle qu'elle aimait. Comme elle a dû souffrir de l'ersatz que je représentais. Elle m'a fait l'amour comme au reflet d'Isabelle. Elle s'est jouée de moi tout entière. Étrangement, je ne lui en veux pas. Le fiel qui emplit ma bouche est pour moi. Pour moi seul. Comment ai-je pu croire un instant qu'Alice pouvait me préférer à Isabelle? Je mérite d'avoir mal. Je mérite de souffrir. Aveugle, orgueilleuse, sotte. Mais pourquoi avoir couché avec moi? Et les mêmes questions sans réponse revenaient me hanter, l'esprit plein du souvenir de gestes, de situations qu'il me fallait désormais interpréter différemment. Plein de paroles dont il me fallait changer le sens. Leur jeu de jeunes animaux sur la plage. Un alibi, pensais-je alors, naïve, pour mieux cacher nos amours coupables. C'était moi l'alibi. Pour cacher sa passion, Alice m'aveuglait de désir. Était l'autre jour quand? Et ce moment où? Et pourquoi? Et comment? Mon Dieu, que j'étais cruellement punie. Isabelle dort maintenant dans mes bras. Je regarde ses photos sur des murs, ce corps superbe, ce visage adorable auquel Alice n'a pas pu résister. Moi je suis là, fanée, épaissie par l'âge, marquée par le temps. Ton temps est passé, Elula. Le charme, l'intelligence. Ah. Rion. Ton éclat s'est transformé en éclaboussure. Juste des éclaboussures. Tu devrais enfin comprendre que tu as une chance inouïe de tenir entre tes bras une femme comme Isabelle. Et qui t'aime. Tu as osé la tromper. Tu ne la mérites pas. Tu ne mérites pas ta chance dont jamblais. Casanova flétri. Elula Abin. Pourquoi est-ce que je n'en veux pas à Alice? Je ressens la tristesse, l'amertume, le chagrin fou, le mépris pour moi-même, mais nullement la colère, ou la haine, plutôt une immense lassitude. Allongée sur mes ruines, ma petite Isabelle respirant calmement dans mon cou, mon oxygène, ma secourance, ma survie, je me livre à ma raison désespérée. Je revois sans cesse le film de l'été, en marche arrière, flashback et ralenti, surimpression et fondue hanche aînée. Tout défile, immobile, les dents serrées, les ongles enfoncés dans la paume, je continue à essayer de comprendre. Peut-être a-t-elle été amoureuse de moi d'abord, en tout cas attirée par cette élue-là presque légendaire dans le microcosme des femmes qui préfèrent les femmes. Elle a voulu me séduire, par jeu, par goût de gagner. Peu à peu elle fut séduite à son tour, conquise par Isabelle inconsciemment. Et notre trop brève aventure. Conclusion physique du marivaudage de l'été, agit comme un révélateur, c'est ce jour-là, c'est ce matin blême où elle a joui par mes lèvres et où son regard s'est posé sur les photos des murs, qu'elle a dû réaliser que c'est celle-là qu'elle aimait, cette adorable beauté impuissante, collée au mur, épinglée, clouée, et que nous trahissions. Il n'y a rien eu entre elles, elles n'ont pas fait l'amour ensemble. Cela je le sais. Quand en auraient-elles eu le temps puisque j'accaparais chaque fois Alice lorsqu'elle était libre? Alors pourquoi cette déclaration à 2 jours de notre départ? Pourquoi cet enfantillage? Qu'espérait-elle? Qu'Isabelle me quitterait, resterait à Cannes pour faire des photos sur la croisette tandis qu'elle continuerait à rincer des verres au snack. Puérilité. Gaminerie. Il est 11 heures du matin. La chambre est striée par les raies de soleil. Les camions grondent. moins fréquemment. J'ai froid dedans. Isabelle dort toujours. Je me serre contre elle. Je la respire. Je voudrais la réveiller, lui raconter ma peine, la tragique méprise dont j'ai été le jouet. Mais je n'en ai pas le droit. Notre convention, jurer de ne jamais s'avouer nos infidélités me l'interdit. Je me tairai. Je lécherai seul mes plaies. Je porterai le cilice. Je saignerai. Souriante. Lutter contre Isabelle. Avoir été en lice avec mon amour, en compétition avec ma petite fille, ma petite sœur. Si on me l'avait dit, jamais. Étais-je folle? Comment ai-je pu mettre en cause ma vie avec Isabelle, pour ce petit motard charmant? Mais avais-je le droit de dire cela? Je ne sais pas. Je ne sais qu'une chose. Il me faudra désormais apprendre à vivre avec mes contradictions. Vers midi, Isabelle se réveille. Le temps de réaliser tout ce qui s'est passé, et elle se serre frénétiquement contre moi. Nous refaisons l'amour, avec la même ardeur qu'à l'aube, comme deux nageuses qui se retrouvent épuisées sur la berge, éperdues, à bout de souffle, conscientes d'avoir frôlé la catastrophe, affamées de revivre. Vint alors l'heure des promesses, l'heure de ces mots peut-être bêtes et banals, mais que l'on dit avec l'âme, jamais plus. Mon amour, je ne serai méchante. Jamais plus je ne serai aussi loin de toi. C'est mon opération. C'est ça qui m'a troublé tout l'été. Et puis, le club. Ça n'a pas marché comme je le pensais, tu le sais. Alors j'avais l'esprit ailleurs. Plus jamais, je te le promets. Oui, elle comprenait. Oui, elle pardonnait. Oui, elle voulait tout. Elle ne voulait rien d'autre que rester auprès de moi. Ma maman, mon amour, ma vie. Et Lula, ma biche, mon amour, mon petit, Isabelle. Et je répétais, Isabelle, Isabelle, émue, troublée, épuisée par mes sentiments et cette nuit sans sommeil. 12. Il me semblait impossible de quitter Cannes sans qu'Isabelle et moi-même ayons une explication avec Alice. Je sentis Isabelle hésiter un instant avant de répondre affirmativement à ma proposition. J'avais mal lorsque mes doigts formaient le numéro d'Alice qui est l'un des rares que je connaisse par cœur, n'ayant en général aucune mémoire des chiffres. Combien de fois ne pai-je pas composé cet été, impatiente, amoureuse, pour lui arracher des rendez-vous dérisoires. C'est moi, et Lula, point. Je crois qu'il serait bon qu'on s'explique toutes les deux. Isabelle voudrait vous parler elle aussi. J'ai horreur des drames. Rassurez-vous, il n'est pas question d'en provoquer un. Si vous voulez, je passe vous prendre vers 3 heures et je vous conduirai à la plage où Isabelle vous attendra. Je ne tiens pas plus que vous à une explication à 3. D'accord, répondit-elle sèchement avant de raccrocher. Je la vis apparaître à l'autre bout de la place où je m'étais garé. Elle avançait vers ma voiture l'air buté, marchant lourdement dans ses énormes boots que je m'étais promise de lui faire abandonner. Sans un mot, elle monta dans la voiture. Qu'ai-je à lui dire? Est-ce vraiment la peine de lui demander une explication? N'ai-je pas compris finalement les raisons qui l'ont poussée à agir avec moi comme elle l'a fait? Pourquoi ai-je provoqué cette réunion? Peut-être uniquement pour qu'Isabelle lui dise qu'elle ne me quittera jamais? Je ne sais pas, je ne sais plus. Sans trop savoir ce que j'allais dire, je la saluais, elle ne crut pas bon d'y répondre. Vous n'avez rien à me dire, Alice. Non. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous croyez? Je sens qu'elle me déteste, elle m'en veut sûrement d'avoir gardé Isabelle, d'avoir perdu un combat qui n'existait que pour elle et qu'elle seule a provoqué. Vous savez, Alice, je n'ai rien fait pour retenir Isabelle. C'est elle qui ne veut pas me quitter. Je sais. Que peut-on encore se dire? Je suis mal à l'aise. Une profonde tristesse m'envahit soudain. Je me tais. Je préfère me taire, comme si j'avais peur d'avoir trop mal. Nous sommes arrivés à la plage. Isabelle est au bar. Je les y laisse. Je rejoins sur le sable Vanina et Joss qui m'interrogent du regard. Je les rassure. Tout va bien. Un simple malentendu. Personne ne doit savoir ce qui s'est véritablement passé cet été. Je m'allonge auprès d'elles en évitant de regarder mon corps trop mûr. Elles sont attablées, là-bas. Je les imagine. Je les vois même après avoir relevé la tête, appuyées sur mes coudes. Je les épie. Je voudrais les entendre. Écoutez Alice, Que peut-elle dire? Meut-elle vraiment? Elle parle peu et lorsque le garçon vient prendre la commande, elle refuse et se lève. Elle remonte sur la croisette, font quelques pas, avant de s'asseoir un instant sur la murette puis Alice se dresse et s'éloigne. Lentement, Isabelle descend me rejoindre. Je me promets de ne rien lui demander et de refuser de l'entendre. Je voudrais retrouver une certaine sérénité, éviter les paroles qui me font mal. Je l'observe toutefois, espérant que son visage reflétera les mots qu'elles ont échangés. Souriante, elle s'installe à mes côtés et m'embrasse tendrement la main. Rien ne s'est passé, il y a la plage, le soleil, la mer, les amis, il reste Isabelle, il reste élue là avec ses plaies secrètes qu'elle voudrait oublier. Demain elle quitte cette ville, elle fuira enfin cet enfer où elle vécut avec une désinvolture qui lui vaut aujourd'hui de souffrir et saigner. Le soir de fermeture, toutes ces lesbiennes de la côte qui hésitaient à venir au jockey où je souhaitais pourtant les voir sont venues saluer la fin de l'été. Il y a foule. Alice aussi est venue. Seule, très décontractée. Je lui ai dit bonsoir comme à n'importe quelle cliente. Installée au bar, elle boit et bavarde avec naturel. Tout se passe bien. Je reste calme. Affairée, je l'observe pourtant sans cesse. J'ai peur. J'ai peur de moi-même. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Je me répète ces mots, je les chuchote presque, comme s'ils pouvaient m'éviter de saigner. Sans doute me les répétais-je encore quand je vis son regard transparent plongé dans celui d'Isabelle qui était venue s'asseoir à ses côtés. Elle se regarde une éternité. J'y vois toute la tendresse du monde, toute la complicité de l'amour. C'est plus que je ne peux supporter. Depuis hier je suis, où j'essaie d'être noble et généreuse, je ne peux plus, je n'en peux plus. Je m'avance vers elle qui ne me voit pas, une bouteille de whisky traîne sur le bar, je m'en saisis et la pose brutalement sur le comptoir, devant Alice. Elles sursautent toutes les deux comme des enfants arrachés brusquement à leurs rêves. Je tente de me modérer, de me calmer pour pouvoir parler. Ma voix est coupante mais entière. Je crois que ça suffit. Ne pensez-vous pas que votre place n'est plus ici? Qu'il est temps pour vous de partir. J'ai l'impression qu'Alice n'est déjà plus là, qu'elle est ailleurs, dans un lieu où je ne puis l'atteindre. Elle répond, lentement, oui, vous avez raison, Elula. Je pars, je m'en vais. Au revoir Isabelle, conclut-elle après s'être retournée vers elle avec douceur. Au revoir Alice. Elle se lève. Je l'accompagne vers la sortie, lui ouvre la porte une dernière fois, elle franchit le seuil où je m'arrête, figée, immobile. Elle est à pied. Elle descend du trottoir, au milieu de la rue qu'elle traverse, elle se retourne vers moi et, plus énigmatique que jamais, me regarde longuement. Elle ouvre la bouche comme si elle voulait parler et secoue lentement la tête avant que la nuit ne la couvre. J'aurais voulu hurler. Le lendemain, nous plions bagages. Le chien Victor arrive tout juste à se trouver une petite place dans l'amoncellement de valises. Les remanichelles sont parties. Elles étaient venues faire trois petits tours. Une pirouette ratée, une cabriole à se casser les reins. Les voici qui repartent sur la route qui poudroie, vers des lendemains qui. Nous avons passé 8 jours en Italie, à Portofino, avant de rentrer à Paris. Pendant toute cette semaine, Isabelle fut prise d'une véritable boulimie amoureuse. J'étais épuisée, mais je ne voulais pas le montrer et encore moins le lui dire. La fatigue n'avait-elle pas été le prétexte qui m'avait permis de l'éloigner de mon corps quand j'étais pleine d'Alice? Aussi, fatiguée par la maladie et les événements cannois, je ne protestais pas et lui faisais l'amour comme elle voulait, quand elle voulait. Isabelle était toujours aussi douce, pulpeuse, odorante, et je la dévorais avec un réel plaisir. Mais une fois venue cette sérénité parfaite qui succède à la jouissance, Alice m'envahissait tout entière. Je n'avais nullement réussi à me débarrasser de son fantôme. Il me suffisait de voir une moto comme la sienne posée contre un mur, d'entendre notre chanson qui sévissait aussi en Italie, pour qu'une lame acérée foie ma blessure, mon cœur ouvert et sanglant. Je serrais alors les lèvres pour ne pas gémir. Pourtant il me fallait sourire, car ce n'était pas moi, La convalescente, n'est-ce pas? C'était Isabelle. C'est elle qui avait souffert de ma froideur. C'est elle qu'on avait aimée, qui avait un peu aimé aussi, sans doute, et qui avait maintenant une petite peine qu'il me fallait panser. Moi? Quoi moi? Que s'était-il passé pour moi? Rien. J'avais failli perdre Isabelle par mon détachement apparent, c'est tout. Je n'avais rien à dire, rien à pleurer. Pas triste et Lula. Aucune raison d'être triste. Et Lula, au contraire, cœur dilaté de bonheur, pleine de joie, tu as failli perdre l'amour d'Isabelle et elle t'est restée. Elle t'aime toujours, elle n'aime que toi. Elle a eu un choix à faire et tu as gagné. Que veux-tu de plus? Alors, chante, et Lula, plaisante, fais l'amour, rie, paillasse. Alice n'existe plus. Tu n'as jamais existé pour Alice. Estime-toi heureuse, pauvre vieille folle. D'avoir conservé miraculeusement la tendre, l'adorable, la merveilleuse Isabelle que tu as débusquée au fond du cat il y a déjà 4 ans. Je parlais, je vivais, je riais, j'étais morte. Tout recommençait, les mêmes questions continuaient de m'assaillir. Pourquoi cette fille avait-elle ainsi agi avec moi? J'essayais de comprendre. Je repassais sans fin le film de l'été, dans les criques italiennes ou dans les bruyères du Mont Ventoux. Au bord de la rivière qui roulait ses galets au pied du village que j'aime, à Pierrelongue. Pas une scène oubliée, pas un mot d'Alice dont je ne me souvienne. 100 fois, 1000 fois par jour, j'interrogeais ma mémoire. Je parlais à Isabelle, je faisais l'amour à Isabelle et j'en étais à. Mais pourquoi m'avoir dit ceci, tel jour, à telle heure? En me caressant la nuque, je caressais le corps ferme et doux d'Isabelle et c'est un corps de garçonnet qui me hantait. J'englobais de mes mains les seins d'Isabelle et c'étaient les petits seins d'Alice que je sentais sous mes doigts. Est-ce cela l'enfer, un paradis où l'on ne veut plus séjourner, jour après jour, revivant chaque scène, scrutant chaque image, j'en arrivais à la conclusion qu'enfin, cette fois, j'avais définitivement tout compris de notre histoire. Ses raisons, ses formes, ses conséquences. Je commençais alors à rédiger mentalement une très longue et belle lettre à Alice. Apparemment attentive, souriante et tendre avec Isabelle, je l'avais à nouveau quittée. Elle n'était plus qu'un fantôme de chair que je préservais des phrases qu'en silence j'écrivais à une autre. À force d'écrire et de réécrire dans ma tête la lettre à Alice. J'en suis bientôt chaque mot par cœur. Il ne me restait plus qu'à la transcrire sur le papier. Je décidai d'attendre notre retour à Paris. Inconnu ce deuxième parti Alice. Cannes et Paris 1 il y avait l'âme marine, ravissant Cerbère métis incorruptible dont la mémoire infaillible ouvre ou laisse close la porte devant l'habitué, l'ami, la passante et la femme qui vient la nuit au Katmandou, mon royaume. Marim, qui sait tout et ne dit rien. Entre le vestiaire où l'on parle volontiers, comme si elle était absente. Il y avait là, fidèle et tendre, auprès des disques, Momo, toujours un peu distante, ne se mêlant de rien, bougonnante à peine, et seulement parfois. Il y avait là le sourire de Pascal et son cœur doux, derrière le bar, elle règne, efficace, pondérée. Avec son amitié sûre mais lente à se donner. Il y avait pour servir dans la salle une erreur. J'oublie le nom de cette fille qui nous insupporte. Mime capricieux et vulgaire dont nous ne voulions plus entendre le rire trop bruyant. Hélas, encore là. Il y avait Mai, enfin, elle est moi-même, autrement, laconique et fulgurante. Elle est aussi, présente et sûre. Le Katmandou même. Cette première nuit parisienne dans mon royaume nocturne me rendait lyrique et me permit de retrouver le goût de la sérénité qu'Alice, Isabelle et Kane m'avaient fait oublier. Seigneur, qu'avais-je été faire au jockey sinon perdre mon temps et une partie de mon âme? Je crus habile toutefois d'apparaître enchanté de mon séjour cannois. Les récits de fausses joies estivales achevées. Aimé voulut se renseigner sur cette fille dont je lui avais tant parlé au téléphone et qui, à m'en croire, était idéale pour le club. Sa venue n'est plus très sûre, répondis-je, apparemment décontractée. Il y a eu des petits problèmes. Il ne faut pas désespérer, mais cherchons quand même sur Paris. De toute façon, Elle ne pourra pas être libre avant novembre, elle aura alors quelques jours de vacances et en profitera sans doute pour venir nous voir. On verra bien. La première nuit où Isabelle ne m'accompagna pas au 4, j'écrivis à Alice cette lettre que je portais en moi depuis si longtemps. Ayant compris que je ne pourrais dominer ni les hésitations ni les contradictions qui troublaient ma raison et agitaient mon cœur, je me décidai à en faire les compagnes, que j'espérais provisoires, de ma vie dont, pour l'instant, le sens, réellement, m'échappait. Ainsi, malgré le calme, tout relatif mais bienfaisant, que j'avais retrouvé à Paris, les quelques jours de réflexion que je m'étais donné confirmèrent la décision que j'avais prise instinctivement. Ce soir-là, appuyé sur la glacière, je noircissais du papier pour Alice. Ce fut une véritable dictée automatique tant j'avais intériorisé le contenu de cette lettre dont l'emplacement même des virgules m'était parfaitement connu. J'en recommençai pourtant plusieurs fois la rédaction, je craignais trop qu'elle ne puisse lire une écriture désordonnée. Je calmai donc ma fièvre et soignai ma calligraphie. Satisfaite enfin après 3 tentatives, je m'apprêtai à relire mes pages, quand je remarquai les regards, empreints d'un mélange d'étonnement et de curiosité que les filles, les amis et certaines clientes me jetaient à la dérobée. Je cachai vite la lettre. Aimé qui s'était approché me demanda, ironique, si j'écrivais ma vie. Je faillis lui répondre presque. Mais je me contentai, souriante, en badinant, de lui dire que cela ne saurait tarder. J'ignorais alors que 6 ans plus tard, le récit en constituerait mon 3e livre. Je vous en prie Alice, ne refusez pas de me lire. Tant de choses dépendent de cet effort qui ne vous coûtera guère. Ainsi commençaient les 10 pages que je finis par aller relire. Aux toilettes, j'y exposais, comme si je m'adressais à une étrangère, ce que je croyais être le sens entier de notre aventure, l'explication de son attitude, plus pure et légitime que je ne l'avais cru sous l'effet de ma douleur, née de son aveu, les raisons pour lesquelles je pensais qu'elle souffrait encore, combien j'étais, peut-être, la seule à même de la comprendre, de l'aider sans doute. Pas un mot de reproche n'obscurcissait mon propos, il me désignait moi, Lula, comme l'accusée, coupable de n'avoir pas deviné, de n'avoir pas senti son amour pour Isabelle alors que j'aurais dû, puisque je l'avais aimée, elle, Alice, aveugle et sourde, je lui demandais pardon. Dans ce jeu cruel à 3 il n'y avait pas de vainqueur, nous étions au moins 2 à souffrir. Isabelle avait déjà oublié, il ne fallait pas lui faire de mal, jamais, elle devrait toujours ignorer que nous deux, qui l'aimions tant, l'avions pourtant trahi. Maintenant, si elle se sentait capable de venir tout de même travailler à Paris, comme je lui avais proposé, si elle se sentait assez forte pour oublier Isabelle, la place était toujours libre, qui l'attendait. Quant à moi, je lui en faisais serment, mes plaies étaient pansées, les cicatrices presque effacées. Elle ne trouverait en moi et n'aurait à y chercher qu'amitié, compréhension et tendresse. J'envoyais ma lettre comme une bouteille à la mer. 2 jours plus tard, elle m'appelait au club, je l'écoutais émue, presque étonnée, tant je désespérais de sa réponse. J'ai reçu votre lettre, elle est. Je ne sais pas comment dire. Avait-elle jamais su? Elle est trop bien. Je ne peux pas vous expliquer. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais si, vous voyez bien que j'ai compris. Alice, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Viendrez-vous? Écrivez-moi, officiellement, avec un mot d'Isabelle qui confirme qu'elle est d'accord pour que je vienne. Très bien, ce sera fait dès demain. Au revoir, Lula. Au revoir, Alice. Elle raccrocha très vite, trop vite. La brièveté, la sécheresse de ses réponses, je ne pus me le cacher, me fit mal. Isabelle relut la lettre officielle et amicale que, comme promis, j'écrivis à Alice, elle y ajouta quelques mots que je crus bon de ne pas lire. Impatiente, je postai l'invitation le lendemain de sa rédaction, le jour même où les portiers de France et de Navarre déclenchaient une grève illimitée. Une semaine, 2 semaines passèrent. Bientôt novembre, et avec lui les vacances d'Alice et mon opération. Il me fallait absolument savoir si elle allait ou non venir. Téléphone-lui, dis-je à Isabelle un soir, avant de partir pour le 4. Elle n'a pas dû recevoir notre lettre. Dès mon arrivée au club, j'appelle la maison. Le téléphone reste occupé 1h30. Je me lasse, je m'inquiète, je m'énerve. Au bout de 2 heures, Isabelle m'appelle et d'une voix presque hostile m'annonce, elle vient. Tu es contente? C'est ce que tu voulais? Eh bien voilà, c'est fait. Elle raccroche brutalement. Je ne comprends pas très bien sa réaction, je ne veux pas la comprendre. Je noie le soupçon d'angoisse qui m'étreint pendant une seconde dans la joie ambiguë que provoque en moi cette nouvelle. Je suis convaincue que la présence d'Alice à mes côtés m'aidera à mieux penser mes plaies, son absence, la scène de notre dernière rencontre, le souvenir de nos caresses et tant d'autres choses encore lui donnent une place trop importante dans mon esprit. À ses côtés je saurai l'oublier. Je saurais n'être plus qu'une amie tendre. Le manque d'elle me donne le vertige et je me surprends même parfois à gémir. Secrètement, je cours vers Aimé lui annoncer la bonne nouvelle. 2. Je commence à peine à me réveiller. Je gémis. On m'a ramené de la salle d'opération il y a 6 heures déjà. J'ai voulu tout de suite remonter à la surface. J'ai reconnu Isabelle. J'ai essayé de lui sourire, de lui parler. J'ai même plaisanté. La bouche pâteuse, avec Vanina, venue assister à l'intervention. Le premier mot que j'ai prononcé fut le mot aléatoire. Il y a 1 an, lorsque j'ai appris que j'avais un kyste douteux au sein, j'avais dit à Isabelle, si jamais je me réveille avec un sein en moins, je ne veux plus te voir, jamais, parce que tu es jeune, que tu es belle et que tu ne dois pas vivre auprès d'une vieille mutilée. À peine réveillée, dans l'ascenseur qui me ramenait du bloc opératoire, j'ai tout de suite demandé à Vanina. Alors, cette dernière m'avait rassuré. Ce n'était vraiment qu'une tumeur bénigne. Et ce n'est pas un résultat à l'aléatoire. Ce mot de 5 syllabes prononcé dans une semi-inconscience avait fait rire tout le monde. Je l'ai redit tout à l'heure, à midi. Juste avant de sombrer à nouveau dans le sommeil, je ne me réveille vraiment que maintenant. Je me plains. Isabelle me caresse le front. J'ai soif, j'ai mal. Elle humecte mes lèvres avec un gant de toilette humide. À la différence de l'an dernier, je n'étais absolument pas inquiète, un fibrome ça n'est rien. Et je dis, au contraire, profitons-en. Je vais me faire enlever ces ovaires qui me mettent en état d'infériorité 3 jours par mois. Combien de temps dans une vie, tu as calculé Isabelle, mon amour? Et toi, avec tes 23 ans, tu te rends compte combien d'années encore à souffrir à cause de cette éclosion d'œufs dont je n'ai, dont tu n'as que faire? Qu'on m'enlève tous ces trucs qui me sont superflus et qu'on les donne au chat. À moi la classe. Fini les périodes. Vive la ménopause contrôlée. Tout se passe pour le mieux. Isabelle a été adorable. Elle ne m'a pas quitté un instant. Elle était plus alarmée que moi. Mon Dieu comme elle est douce, et tendre, et sensible. Ma petite fille, ma petite fille. Je sais tout cela. J'en suis consciente. Je me battrais de ne plus avoir d'élan amoureux véritable envers elle. Mon amour est-il mort? Je ne le veux pas. Je veux nous. Je veux la préserver. Mon petit enfant, tu es ma seule famille et je tiens à toi par tous les instants du passé, par tous les tourments du présent. Sois mon avenir, je t'en supplie. Apprends-moi à t'aimer à nouveau comme je t'aimais jadis. Y a-t-il un dragon de légende qui en possède la recette? Laisse-moi, alors, me lever, voûter, piller, par cette douleur qui me taraude encore le ventre, et laisse-moi chanceler. Tituber, ramper, me traîner jusqu'à sa caverne pour lui en arracher la recette. Je veux t'aimer encore, Isabelle mon enfant reine. Mon cœur ne bat plus. Il gît sur une plage de Cannes. Je t'en supplie, ramasse-le et réapprends-lui à battre pour toi. Toi qui m'aimes, toi qui es tout ce que je pourrais jamais désirer de plus beau au monde, toi que j'ai aimé comme je n'avais jamais aimé. Pourtant, j'ignorais la moitié des événements qui avaient lieu à Cannes. Après la scène du jockey, Isabelle était sortie derrière Alice et l'avait interpellée, Qu'est-ce que ça signifie ce cirque? Mais tu sais bien que je t'aime. Mais pourquoi le dire à Elula? Ça va pas? Non, je t'aime. Je n'ai pas pu le lui cacher. Et alors? Ça t'avance à quoi? Mais tu ne peux pas me laisser. Tu rigoles. Je ne t'ai jamais rien promis. Je rentre à Paris avec Elula. Un point, c'est tout. Mais Isabelle, je t'aime. Je t'aime comme une folle. Tu le sais bien. Je l'ai même dit à Dan-I. Tu le sais. Et alors? Moi aussi je t'aime. Mais il n'a jamais été question que je fasse ma vie avec toi. Ma vie est à Paris, avec Elula. La première fois qu'elles avaient fait l'amour ensemble, ce fut le jour de l'anniversaire d'Alice. Pendant que tout le personnel du snack déjeunait à la plage, Isabelle avait rejointe dans l'appartement de son patron, au-dessus du bar. Et puis l'après-midi du lendemain, aussi, lorsque j'avais inventé de toutes pièces un déjeuner chez les cousins à Valorie, c'est en quittant Alice qu'elle est venue me rejoindre au bistrot où j'étais en train de faire sagement des mots croisés. On trouve toujours le temps de faire l'amour et les deux belles ne s'en privèrent pas. Après notre départ de Cannes, elles ont d'ailleurs continué à le faire. Alice est venue voir Isabelle à Paris, deux ou trois fois, en avion. Pendant ses jours de congé, elle avait déjà parlé 100 fois avec Alice de sa venue à Paris. Elle lui téléphonait tous les soirs à la maison, dès que je partais travailler. Alors, puisque je tenais tant à la voir, Isabelle lui avait dit, « Si tu viens travailler à Paris, ce sera fini entre nous, copain, copain. Je ne veux pas risquer mon ménage avec Elula. Je t'aime, tu le sais, mais j'aime aussi Elula et je ne veux pas la quitter. » Pas maintenant. Elle a mis du temps à accepter. Finalement, elle a capitulé. Mieux vaut te voir chaque jour en copain que de ne plus te voir du tout. La clinique est à 100 mètres de la maison. C'est pratique. Tout le monde vient me voir. Tout le monde, c'est-à-dire Isabelle, bien entendu, Aimé qui habite le même îlot d'immeuble ainsi que Dominique. Dominique qui a été mon ami il y a, comme c'est loin, 15 ans déjà, je crois. Nous sommes restés unis. Nous avons acheté une maison au pied du Ventoux toutes les deux, et c'est ensemble que nous y finirons nos jours. Le soir quand je serai devenue trop vieille pour accueillir mes belles de nuit, mes belles de jour, au creux de mon cat rouge et noir. Pourquoi cette certitude que c'est avec elle que je terminerai mon parcours, que c'est ensemble que nous aurons des chiens loups, des pinchers, un singe, des poules, des lapins et, pourquoi pas, Perrette. Un gros et gras cochon, parce qu'elle est, de toutes celles qui ont partagé ma vie, la seule qui soit de mon âge, ou presque, 2 ans seulement de moins que moi. Moi qui ne suis attirée que par la jeunesse, Isabelle est mon record, 23 ans de différence, mais cela ne me fait pas peur. Je me sens si jeune lorsque j'aime, et je me suis sentie parfois si vieille en voyant deux chiots fous jouant sur la plage. Isabelle, Alice, mais n'en parlons plus, il ne faut plus, page tournée, irrémédiablement, il y a Isabelle, seulement elle, plus jamais une autre, ma petite déesse que j'ai foulée aux pieds, que j'ai failli renverser à tout jamais, elle est là chaque jour, de longues heures, avec le chien Victor amené clandestinement dans son manteau et que je cache sous les draps quand rentre une infirmière, quel échec quand même. Ce triste coït de l'été, comme on s'est joué de moi, la blessure se referme petit à petit. Le soir, je m'endors en écoutant des cassettes. Et lorsque j'entends, les yeux grands ouverts dans la nuit, la chanson de l'été, j'ai toujours aussi mal. Un mal sourd que j'enterre, que j'ensable, que j'enlise au plus profond de moi. Alice, je t'attends pour travailler, je ne te parlerai plus de l'été, tu ne sauras pas combien j'ai été meurtrie, combien j'ai eu mal à mon orgueil, Don Juan en a pris un sacré coup mais je serai souriante et badine, mais je te verrai, je t'aurai fait venir à Paris, auprès de moi, et ce sera quand même une façon de t'avoir conquise, Sam aussi vient me voir à la clinique, Sam, c'est le mari de l'ami de Dominique, Sam, c'est notre bon nounours, une espèce de Père Noël, de pacha dans nos vies de femmes sans hommes, directeur de je ne sais combien de sociétés. Nous faisons appel à lui pour tout ce dont nous avons besoin. C'est notre Deus ex machina. Sam, je voudrais une télé couleur. Sam, Je voudrais un salon en daim. Sam, j'ai d'énormes impôts qui me tombent sur le dos. Tu connais quelqu'un aux finances? Sam, je m'ennuie. J'ai le vague à l'âme. Emmène-moi dîner quelque part. Sam, emmène-moi dans une synagogue où les chants sont si beaux. Et Sam est là. Il fournit tout. Trouve et l'achète moins cher que tout le monde. Arrange les impôts. Nous emmène s'il le faut, dans un grand restaurant ou au petit chinois du coin, selon nos envies. Il est le confident, l'ami, notre Sam à toutes. Nous qui rejetons les hommes de notre vie, nous avons phagocyté celui-là avec gourmandise et allégresse. Toutes, c'est-à-dire Aimé, Dominique, Isabelle et moi. Sam qui n'a rien d'un éphèbe efféminé, qui est un homme tranquille, sans complexe. Bon, je suis un homme. Vous êtes des femmes et où est le problème? Sam dont le phallus est à sa vraie place, c'est-à-dire dans son pantalon et non dans sa tête. Sam, donc, vient me voir, lui aussi. Le personnel de la clinique le prend pour mon mari. Seul mal au milieu de mes amis qui font la ronde. Nous en sourions et ne démentons pas. À quoi bon? On perturberait inutilement les infirmières qui se poseraient des questions sur cette pauvre opérée sans mari pour lui tenir la main. Alors, tu es contente? Tu vas la voir ton Alice? Oui, très. Tu sais que j'ai besoin d'elle. Il sourit.